Premier livre des Chroniques, chapitre 22. Et David dit, c'est ici la maison de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel pour les holocaustes d'Israël. Et David commanda qu'on assemblât les étrangers qui étaient au pays d'Israël, et il prit d'entre eux des maçons pour tailler des pierres de taille, afin d'en bâtir la maison de Dieu. David assembla aussi du fer en abondance, afin d'en faire des clous pour les linteaux des portes, et pour les assemblages, et une si grande quantité d'airain qu'il était sans poids, et du bois de cèdre sans nombre, parce que les Sidoniens et les Tyriens amenaient à David du bois de cèdre en abondance. Car David dit, Salomon mon fils est jeune et délicat, et la maison qu'il faut bâtir à l'Éternel doit être magnifique en excellence, en réputation, et en gloire, dans tous les pays, je lui préparerai donc maintenant de quoi la bâtir. Ainsi David prépara, avant sa mort, ces choses en abondance. Puis il appela Salomon son fils, et lui commanda de bâtir une maison à l'Éternel le Dieu d'Israël. David donc dit à Salomon, mon fils, j'ai désiré de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée, en disant, tu as répandu beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres, tu ne bâtiras point de maison à mon nom, parce que tu as répandu beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici, il va te naître un fils, qui sera homme de paix, et je le rendrai tranquille par rapport à tous ses ennemis tout autour, c'est pourquoi son nom sera Salomon. Et en son temps je donnerai la paix et le repos à Israël, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et il me sera fils, et je lui serai père, et j'affermirai le trône de son règne sur Israël, à jamais. Maintenant donc, mon fils, l'Éternel sera avec toi, et tu prospéreras, et tu bâtiras la maison de l'Éternel ton Dieu, ainsi qu'il a parlé de toi. Seulement, que l'Éternel te donne de la sagesse et de l'intelligence, et qu'il t'instruise touchant le gouvernement d'Israël, et comment tu dois garder la loi de l'Éternel ton Dieu. Et tu prospéreras si tu prends garde à faire les statuts et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point, et ne t'effraie de rien. Voici, selon ma petitesse j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, et 1 000 000 de talents d'argent. Quand elle est rein et offert, il est sans poids, car il est en grande abondance. J'ai aussi préparé le bois et les pierres, et tu y ajouteras ce qu'il faudra. Tu as avec toi beaucoup d'ouvriers, de maçons, de tailleurs de pierres, de charpentiers, et de toutes sortes de gens experts en tout ouvrage. Il y a de l'or et de l'argent, de l'airain et du fer sans nombre, applique-toi donc à l'affaire, et l'Éternel sera avec toi. David commanda aussi à tous les principaux d'Israël d'aider Salomon son fils, et il leur dit, l'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés, car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays a été soumis devant l'Éternel, et devant son peuple. Maintenant donc appliquez vos cœurs et vos âmes à rechercher l'Éternel votre Dieu, et mettez-vous à bâtir le sanctuaire de l'Éternel Dieu, pour amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et les saints vaisseaux de Dieu dans la maison qui doit être bâtie au nom de l'Éternel.